Bien sûr, ils ne sont plus tout à fait si alertes. Quand ce matin d'automne, un siècle qui n'est plus, les pas qu'ils font à deux, moins rapides peut-être. Mais s'ils sont fatigués, c'est d'avoir tant couru. Aux lignes de leur front, on peut lire l'histoire. Il commence le jour où l'amour les unit et qui se perd parfois au fond de leur mémoire. Et s'ils ont oublié, c'est d'avoir tant écrit. Traverser des fleuves et des montagnes, affronter les orages et le souffle du vent. Mais à chaque blessure, après chaque bataille, l'amour en est sorti plus solide qu'avant. Il y a tant de bonheur dans leurs éclats de rire, de complicité dans le fond de leurs yeux. Comment s'imaginer en les voyant sourire que la couleur d'un ciel ne soit pas toujours bleu. Matière qui rythme le destin, d'écrire en lettres d'or la 50e page. Regardez d'où l'on vient avant d'aller plus loin. Tout autour de la table, quelques-uns se souviennent du jour où leurs cheveux n'étaient pas encore gris. Raconte à l'envi, le vin les entraîne. Les enfants qui remplacent tous ceux qui sont partis. Cinquante ans.